بسم الله الرحمن الرحيم سنخوض اليوم المسألة 24 في قوله تعالى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. Dans la parole de Allah, en sens où il dit, et que si jamais leur père ne raisonnait pas ou ne raisonnait en rien du tout, ni n'était guidé. Ils ne raisonnent pas du tout, on dirait comme ça. Surat al-Baqarah, verset 170. فقال المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن الكفار لا عقول لهم أصلا لأن قوله شيئا نكرة في سياق النفي فهي تدل على العموم وقد جاءت آية أخرى تدل على أن الكفار لهم عقول يعقلون بها في الدنيا كقوله تعالى وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. Donc il dit la parole de ce verset que nous venons de lire montre que les kuffars n'ont aucune raison à la base, n'ont pas de raison. Car dans sa parole, shay'an est, c'est-à-dire comme on l'a traduit nous par rien du tout, car en arabe c'est un mot indéfini, nakira, fisiyak. النفي يفيد العموم. Un mot indéfini dans une phrase à sens négatif, une phrase de négation, c'est un sens de généralité, comme on l'a déjà expliqué auparavant. Donc là, c'est comme si on disait qu'ils ne comprennent rien du tout, ils n'ont aucune raison, du tout. Et pourtant, malgré cela, d'autres versets sont venus démontrer le contraire. Qu'ils ont des raisons par lesquelles ils comprennent les choses de cette dunya. Comme dans sa parole, dans le sens où il dit, subhanahu wa ta'ala, que Shaitan, dans le sens où il dit, que Shaitan leur a embelli leurs actions et leur a obstrué le sentier alors qu'ils le voyaient clairement, c'est-à-dire qu'ils comprenaient. Mustab Sirin. Donc l'istibsar yakun bil akl. Yani la boudlahu min al akl. Comprendre une chose, cerner une chose et avoir la clairvoyance sur une chose inclut d'avoir une raison. Surat al-Ankabut, l'araignée, verset 38. قال والجواب أنهم يعقلون أمور الدنيا دون أمور الآخرة كما بينه تعالى في قوله وعد الله لا يخلف الله وحده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم من الآخرة مغافلون. Donc c'est quoi la réponse à cela? C'est qu'en fait eux, leur raison, leur aql comprend les choses de cette dunya, mais pas les choses de la akhira, de l'au-delà. Les choses qui sont liées de ce qui se passe après la mort et par rapport à la religion. Comme Allah Azza wa Jalla, dans le sens où il dit que telle est la promesse d'Allah, que Allah n'enfreindra pas sa promesse, mais cependant la plupart des gens ne savent pas. Ils connaissent l'apparent de cette vie en ce bas monde, mais ils sont inattentifs en ce qui touche à l'au-delà. Fal-aya wadiha. Surat Rum, verset 6 à 7. Donc le verset en lui-même, il est clair. Il explique tout cela. Que ces gens-là, tu les vois même de tes propres yeux, dans ce qui touche à la dunya, ils sont forts, expérimentés. Mais quand tu parles de religion, des choses qui touchent à leur Seigneur, ils sont complètement ignorants et n'acceptent rien du tout. Et sortent des conclusions et des règles et des réponses totalement futiles. Dénués de toute raison. فهذا هو الجواب على هذه المسألة نعم فبيد لقد نكتفي سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك